La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e Avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année, que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. Il a fait parler de lui, il a dû faire parler de lui cette semaine avec son papier dans le journal Le Quotidien. Il a remis pas mal les pendules à l'heure sur le dossier du Centre Georges Vézina. Évidemment, il a sorti des chiffres. Et je pense que preuve à l'appui, ça ne coûterait pas plus cher avoir un nouvel amphithéâtre. On parle avec Phil Desgagnés. Salut Phil. Salut Danny. Phil, as-tu entendu parler, suite à ton article, as-tu entendu parler? Puis, parce que là, tu as sorti des chiffres, tu as mis quatre sur table là. Oui, j'ai entendu parler énormément. Écoutez, je voulais faire la preuve un peu qu'il n'y a pas énormément de différence entre un aréna neuf et rénover le centre Georges Vézina. Ouais. Et ça, c'est dû tout simplement à ce que le pavillon d'agriculture qui est situé tout juste derrière le centre Georges Vézina est en fin de terme également. Il y a besoin de bonnes rénovations. On parle de 4 à 5 millions de dollars. La structure n'est même pas assez efficace pour tenir certaines choses. D'ailleurs, la semaine dernière, on a été obligé de sortir. Il y avait l'expo agricole mettait beaucoup de choses à l'intérieur de l'amphithéâtre pour servir de remisage, le palais de pavillon d'agriculture, et on a dû tout simplement retirer tous les objets qui étaient à l'intérieur parce que la structure n'était pas assez solide. Au centre Vézina, on connaît l'état délabré du centre Vézina. La structure n'est peu adéquate. Aussitôt qu'il tombe quelques centimètres de neige, ça prend immédiatement des hommes sur la toiture pour éliminer la neige de peur que la toiture puisse s'effondrer. Donc, effectivement, en jumelant les deux projets, je pense qu'on pourrait facilement, à quelques 1 ou 2 millions près, avoir un amphithéâtre neuf, alors que l'amphithéâtre de Saint-Vézina a déjà 70 ans. C'est probablement le plus vieil amphithéâtre de tout le Québec. Et on a déjà investi près de 20 millions de dollars dans les 15 dernières années. Et on se retrouve encore une fois à la case départ. Hey Phil, mais je parlais cette semaine avec le descripteur des matchs des Cataractes de Shawinigan. Moi, je voulais savoir, tu sais, les gens qui sont contre vont toujours dire la même affaire. On n'a pas d'argent, on est pauvres, on est ici. Tu sais, tu sais très bien que l'économie de Shawinigan, c'est pas riche non plus. C'est une économie qui ressemble beaucoup à celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Beaucoup de fermetures d'industries de pâte et papier. Ils ont un premier ministre qui s'appelle Jean Chrétien, qui lui a voulu laisser un legs, comme Philippe Couillard en a parlé ouvertement, là. Donc, C'est sûr que quand on regarde le projet d'un amphithéâtre neuf comme à Trois-Rivières, qui est autour de 50, 55 millions, c'est sûr que la ville ne peut pas embarquer dans un tel projet sans l'aide gouvernementale. Je trouve que le timing est bon actuellement à Saguenay pour bâtir un tel amphithéâtre. D'abord, M. Couillard a été clair. Je suis prêt à rencontrer Mme Néron pour parler de ce projet. Pour moi, c'est une des priorités avant la fin de mon mandat. Deux, on sait très bien que M. Denis Lemieux a démissionné dernièrement de son poste de député du coin. Il y aura donc une élection partielle dans les prochains mois. Et on sait très bien que tous les efforts que le Parti libéral a mis au Lac-Saint-Jean pour faire élire le député de la place. Ouais. Écoutez, le premier ministre s'est déplacé 3 ou 4 fois pour aller le voir, mais vous voyez, juste déplacer le premier ministre, ça coûte déjà pas mal très cher. Ouais. Là. Donc, il est allé 3 fois au Lac-Saint-Jean pour aider son candidat à se faire élire. Déjà, c'est un député libéral ici, à Chicoutimi. On va vouloir à nouveau. Donc, je pense que le timing est bon pour que les deux paliers de gouvernement s'unissent. Et là, la mairesse qui vient d'arriver, Mme Néron, c'est sûr qu'elle regarde. C'est sûr qu'on parle toujours de situations financières difficiles. Mais de manière ou l'autre, là, on doit rénover le Centre Vézina. Et quand tu viens à Saguenay, on a rénové le Palais des Sports, on a rénové l'aréna de Kenogami, on a rénové le foyer des loisirs dans le secteur d'Arvida, on a fait la même chose à Ville de la Baie, l'aréna, la Marina Larouche a été rénovée dans le secteur nord. Le seul amphithéâtre qui n'a pas été rénové dernièrement, c'est le Centre Georges Vézina, et celui-ci a besoin. Deux, il y a une chose qu'il faut tenir compte également, c'est que dans ce dossier-là, et la preuve a été faite à Shawinigan. Mmh. On avait une moyenne dans l'ancienne aréna Jacques Plante de 1800 spectateurs. On est monté à 3003 facilement. Pourquoi? À cause de toutes les facilités qu'il y a à l'intérieur de l'amphithéâtre. Et c'est un amphithéâtre neuf avec tout ce que ça occasionne. Et moi, je pense que qu'il faut retenir, c'est que les propriétaires de la franchise à Saguenay, c'est la ville. Mmh. Quand il y a un déficit, c'est la ville qui paye. Quand il y a des surplus, ben, tant mieux pour la ville, elle n'a pas de déficit à payer. Moi, je suis convaincu qu'un nouvel amphithéâtre va donner des très bons résultats de ce côté-là. Et n'oubliez pas que si les Saguenayens, on rénove le Centre Vézina, qui est un Centre Vézina pour une année complète. Ouais. Je vous le dis, les gens croient, il y a des gens qui mettaient en doute un peu mes chiffres, ça va coûter au bas mot 2 millions de dollars pour déménager les Saguenayens pendant une saison au Palais des Sports. D'abord, il faut refaire tous les vestiaires. Mmh. Il faut refaire également une galerie de presse temporaire parce qu'elle n'est pas adéquate qu'il y a actuellement au Palais des Sports de Jonquière. Il y a également les normes de la Ligue junior majeure du Québec au niveau de la sécurité des joueurs, au niveau de la télévision, au niveau également des reprises vidéo. Il y a tout un système qui n'est pas au Palais des Sports, qui est déjà actuellement au Centre Vézina et qui est toujours en place. Donc, durant qu'on bâtit l'amphithéâtre, les Saguenayens pourraient toujours demeurer au Centre Vézina et pourraient compléter là jusqu'à temps que le nouvel amphithéâtre soit prêt. Donc, moi, je dis que c'est tous des coûts qu'on doit considérer dans la décision de dire oui ou non, on a besoin d'un amphithéâtre. Et je vais vous donner un autre exemple. Il y a toujours l'élément spectacle également. En Trois-Rivières, à Gatineau, des endroits comme ça, il y a des spectacles où on attire 4 500 spectateurs. Mmh. Centre Vézina, c'est impossible. On a fait un bel exemple cette année. Styx, le groupe est venu, un groupe rock qui est venu au mois d'août dernier. On a mis près de 4000 personnes. Juste les installations pour réussir à installer tout ce que ça exige un tel événement, à manger tous les profits. On n'a pas fait une scène avec un amphithéâtre plein, à 60 piastres du billet, de près de 4000 personnes. On n'est pas capable de faire des profits. Pourquoi? Parce que tout l'argent qu'on aurait fait en profit, on l'a investi dans la structure pour permettre un tel événement. Donc, moi, je pense que les promoteurs d'événements qui font des événements comme ça seraient sûrement très heureux d'avoir un amphithéâtre ultra-moderne et qu'il y ait les facilités. Ça serait idéal pour ces gens-là. Et là, ce qu'il faut éviter, Phil, parce que ce que j'ai écouté, ce que Claude Boucher me disait, le descripteur des cataractes, ça s'est destiné beaucoup à Shawinigan, sur l'emplacement. À Trois-Rivières, c'est la même chose. Et tu perds beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, la facture monte de 5 % par année. Ah, moi, je pense que, honnêtement, là, puis c'est pas moi qui va décider. Ouais. Moi, je bâtirais exactement au même endroit. Okay. On a tout ce qu'il faut. D'abord, en débâtissant le pavillon d'agriculture, le Centre Vézina serait là, même si l'autre bâtisse est encore là temporairement, il y aurait encore amplement de place pour le stationnement. Deux, il est bien situé pour les gens qui veulent venir de la baie, du secteur nord de Chicoutimi, du secteur partout aux alentours, et également même du secteur de Jonquière. Parce que si on le sort à l'extérieur, oui, vous allez me dire, exemple, il y a des gens qui parlaient dans le coin de chez Costco à Chicoutimi. D'accord avec ça, que c'est un bel endroit. Sauf que, à la sortie de l'amphithéâtre, ce serait un problème majeur au niveau de ce qu'on appelle de quitter les lieux. Alors qu'actuellement, Centre Vézina, t'as 4 à 5 sorties, et dans l'espace d'une quinzaine de minutes, les 3 000, 3 500 spectateurs sont déjà partis pour la maison. Il y a des facilités tout à fait extraordinaires. Et deux, moi, je pense que l'emplacement est là. La ville a encore des terrains. Quelqu'un me racontait cette semaine, qui était bien au fait du dossier, il y a encore beaucoup de terrains autour qui appartiennent à la ville et que ce serait une facilité pour rebâtir un nouvel amphithéâtre. Okay. Et il y a une chose, Danny, qu'on parle également depuis des années, la fameuse glace olympique, qui n'est pas idéale pour les Saguenayens, qui sont les, faut le dire, les plus grands utilisateurs. Ouais. Mais moi, je dis, il ne faut pas négliger le côté patinage sur courte piste. Alors, la deuxième glace dans le même amphithéâtre, parce que aujourd'hui, la grande mode, on bâtit des amphithéâtres avec deux glaces. À Gatineau, il va y en avoir même quatre glaces. Mais mettons que deux glaces à Chicoutimi, la deuxième glace pourrait facilement être de dimension olympique et ça nuirait d'aucune façon à bâtir ce nouvel amphithéâtre. Les Saguenay se retrouveraient avec une glace tout à fait normale dans les règles de l'art où les joueurs, c'est plus facile d'évoluer. Ça, est-ce qu'un méga centre, est-ce qu'on pourrait y aller avec un méga centre? Parce que le Soccer Dome actuellement est... On pourrait également ajouter un Soccer Dome. Écoutez, on en parle depuis des années, Soccer Dome, parce que le soccer est rendu maintenant un sport excessivement populaire, presque autant que le hockey et également le baseball. Donc, il faut absolument donner des installations à ces jeunes-là. On n'en a pas au Saguenay. Donc, pourquoi pas, en même temps, être capable de faire le même projet? Moi, je pense qu'il y a des possibilités. Il s'agit de regarder comme il faut la situation. Actuellement, là, c'est sûr que les gens disent « Ouais, mais les Saguenayens sont low profile, ils parlent pas. » Je comprends l'organisation des SAG actuellement. Là, ils marchent sur des œufs actuellement, avec des nouveaux administrateurs à la ville, une nouvelle façon de faire. Ces gens-là ont été installés, ont été mis en place par l'ancienne direction de la ville. Donc, il y a plusieurs événements qui font qu'actuellement, tout le monde est très, très prudent de s'afficher publiquement sur ce dossier. Moi, je l'ai fait, ça ne me gênait pas, je suis très à l'aise de le faire, mais je pense que j'ai quand même donné des preuves, et mes preuves que j'ai là, je les ai pas inventées, là. J'ai quand même parlé à des gens qui sont au fait de tout ce que ça peut occasionner, et je vous dis qu'il n'y aurait pas une énorme différence. Je me dis, investir 25 ou 30 millions dans un édifice qui, dans 20 ans, sera centenaire, je pense que moi, personnellement, c'est de l'argent gaspillé. Bon. On doit penser à l'avenir et pensons à la future génération qui s'en vient pour profiter de ces installations. Phil, si tu peux m'envoyer la pause, parce que c'est le temps des fêtes, et je veux te parler d'un documentaire. Je voulais t'en parler la semaine passée, mais là, avec les Canadiens puis la sortie du Courteau... Ça n'a pas été... on l'a mis au billet, mais c'est, vu que c'est plutôt inquiet cette semaine, donc je veux parler du documentaire L'Arbitre. Donc, vous êtes à l'écoute de la chronique avec Phil Desgagnés sur les ondes de danradiosport.com. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 Boulevard Amel, au numéro de téléphone 418-679-94-94. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparral, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation de Lebeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation de Lebeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Phil, on est de retour à danradiosport.com. Phil, as-tu écouté ou entendu parler le documentaire L'Arbitre par Mathieu? Énormément entendu parler. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai énormément entendu parler. Les gens qui ont regardé ont été très impressionnés par ce documentaire. Ouais. Ont vu des choses que, de l'intérieur, nous, on sait, en tant qu'ancien arbitre, moi, j'ai vécu, puis on sait comment ça se passe. Mais de l'extérieur, les gens ne savent pas exactement. Et ça donnait une image également différente, un petit peu, de ce qu'est l'arbitrage et les difficultés que vivent ces gens-là, surtout au niveau du hockey mineur. Je ne vous parlerai pas au niveau professionnel, parce que là, c'est vraiment super organisé. Même chose au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Mais on sait très bien que dans les circuits inférieurs, c'est pas facile de l'arbitrage. Deux, c'est vraiment du bénévolat que ces gens vont faire là. C'est pas pour les petits montants qu'on leur donne pour dire qu'on les paye, là. C'est probablement pas ça qui fait la différence. Et deux, c'est que c'est toujours ingrat, l'arbitrage, parce que c'est dans n'importe quel sport, là, on parle de hockey, on pourrait parler de baseball, mais le hockey, un peu plus difficile que d'autres sports pour une raison, c'est que l'arbitre est toujours en action. interaction avec les joueurs. Alors que, exemple, les gens disent, ouais, mais au football, au baseball, c'est plus facile. Oui, parce que les arbitres ne sont pas en action. Exemple, au baseball, l'arbitre est arrêté. Il y a une décision à rendre, mais il n'est pas en mouvement. Au football, ils sont sept pour rendre des décisions, et c'est quand même, ils ont un secteur privilégié. L'arbitre, lui, il y a tout ce qui se passe en même temps. Il patine avec les joueurs, il est dans l'ambiance, c'est très différent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Phil, là-dessus, moi, ce que je voulais te dire, parce que t'as arbitré, hein, moi, je t'ai connu comme commentateur sportif, animateur de ligne verte, mais je sais que t'as arbitré longtemps. Faut quasiment, j'ai arbitré une vingtaine d'années. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à arbitrer? C'était quoi ta motivation à arbitrer? Parce qu'il faut quasiment être fou un peu pour arbitrer. je regarde ça, là, c'est incroyable là, quand tu vois ça. Là. Moi, après mon hockey junior, j'ai joué du hockey senior pendant quelques années. Okay. Mais je voulais continuer à faire quelque chose. Je voulais être encore impliqué dans le hockey. Je me trouvais pas des talents d'instructeur à travers ça. Et j'étais pas nécessairement mon but. Mais je savais qu'au niveau du hockey mineur, il manquait beaucoup d'arbitres. Et j'ai eu le goût d'aller faire un petit tour là pour aller voir comment ça se passait au niveau du hockey mineur. Et j'ai arbitré une année au hockey mineur. À ma deuxième année, il est arrivé un phénomène assez particulier au niveau du hockey junior. Il y a eu de la démission de 3-4 arbitres importants. Et là, et immédiatement, les gens disent « Hey Phil, on trouve que tu as des habiletés, tu as un naturel, et tu as vécu la game de hockey. » Parce que moi, je dis que quelqu'un qui arbitre et qui a vécu la game de hockey, il y a une façon de penser qui s'affilie plus aux joueurs que quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment la piqûre qui a embarqué. Je me suis arbitré. Déjà, ma troisième année, j'arbitrais au niveau du junior B ici local. Et là, je me suis arbitré en chef. Et le junior majeur est arrivé ici. Et rapidement, on est venu me chercher pour dire il y a une clinique d'arbitre au niveau provincial, on aimerait que tu y ailles. Et je connaissais quelques personnes à travers tous ces gens-là, comme n'importe quoi, Danny, quand tu connais du monde, toujours plus facile de t'infiltrer à travers ces gens-là. Et rapidement, je suis devenu un arbitre au niveau junior majeur. Deux années sur les lignes, puis après, j'ai arbitré pendant presque 16 ans en charge. Tu trouvais ça dur de se faire crier pourri? Tu te fais une carapace à ça. Deux, tu t'habitues rapidement. Et tu viens que quand tu es bien concentré au niveau de la glace, de ce qui se passe, tu l'entends moins. Là. Okay. Moi, je vous donne un exemple. Danny, j'ai arbitré junior majeur pendant des années. Ouais. Et le tiers des matchs qui se déroulaient au centre Vézina, c'était moi qui les faisais. C'était le gars local qui arbitrait du junior majeur. Plusieurs années plus tard, c'est pas arrivé parce que les gens voulaient pas qu'un gars local arbitre. Mais dans ce temps-là, venir au Saguenay, les arbitres trouvaient ça loin. Maintenant, à cette heure, on ne parle plus de ça. C'est Val-d'Or, Rouen, les Maritimes et tout. C'est très différent. Mais à ce moment-là, deuxièmement, écoute, Danny, j'allais arbitrer à Montréal et je gagnais 60 $. Y as-tu pensé, là? Ben non. 60 $, j'étais parti de la maison une journée complète. Ben non. J'étais parti à peu près 15 heures, puis 20 heures, puis je gagnais 60 $. Ça me donnait 2 $, 3 $ d'heure. On faisait ça par passion et parce qu'on aimait ça. C'était pas une question d'argent. Maintenant, les arbitres sont beaucoup mieux rémunérés. Ils ont de meilleures conditions et ils sont mieux installés également au niveau de ce que tu appelles les cliniques, ces choses. Ouais. Dans ce qu'on voyait dans le documentaire qu'on voyait, là, il y avait un arbitre qui était un arbitre assez quand même qui est assez âgé. Il disait les gens n'en veulent pas à moi, ils en veulent au chandail que j'ai. Oui, c'est vrai. Écoute, puis deux là, l'année. Ouais. Moi je disais toujours, quand tu viens pour prendre une décision, tu lèves le bras. Mais il y a 5000 personnes dans l'amphithéâtre. Il y en a 3000 qui sont d'accord avec le geste que tu viens de poser, puis il y en a 2000 qui sont contre parce que ils prennent pour l'équipe adverse. Donc, de manière ou l'autre, tu ne feras jamais l'unanimité. Moi, il y avait deux genres de personnes pour qui c'était important pour moi, qui trouvaient que je fasse un bon travail. C'était les joueurs sur la glace et les staffs d'entraîneurs. Okay. Ces gens-là travaillaient dans la même ligue que moi. Et moi, je me disais, je travaille avec eux, ils travaillent avec moi. Ces gens-là, il faut que je les respecte, il faut que j'aie une bonne entente avec eux. Le reste, les spectateurs, je peux rien y faire, moi, là, le spectateur. Pourquoi? Parce que il va là pour toutes sortes de raisons. Il va là pour se défouler, va là pour un happening, il va là pour la partisanerie. Et deuxièmement, il acceptera jamais la décision que je vais le rendre, de manière ou l'autre, qu'elle soit bonne ou pas. Donc, pour moi, c'était pas tellement important. Ce qui était important, c'était au niveau des joueurs. Le respect des joueurs quand tu l'as, puis le respect des instructeurs quand tu l'as, va te dire, en effet, une grande partie de ta partie est gagnée. OK. Phil, on se reparle la semaine prochaine pour l'enregistrement de la revue de l'année puis la dernière chronique de l'année. Merci. C'est le commentaire de Félix.